Ok, vous m'entendez? Oui. Denis, oui. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Je ne sais pas. Oui, ah. Bonjour Clara. Bonjour. Nous sommes c'est dimanche. Bon, ah, ça n'a pas encore commencé. On a commencé, merci Alex. Bonjour auditrices, auditeurs de la radio Archipel, Archiradio. Nous sommes dimanche 3 avril, il est midi, et nous retrouvons Clara Iannotta pour ce rendez-vous quotidien du salon d'écoute, à savoir le partage d'écoute. Clara Iannotta, qui est donc invitée pendant plusieurs jours dans le cadre du Festival Archipel, vient nous faire partager les musiques qu'elle aime, qui les ont inspirées. Elle va probablement nous en parler, nous dire deux, trois choses à leur propos. Du coup, je lui laisse tout de suite la parole et c'est son. Alors, merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend ici dans la salle. Et en fait, c'est très difficile de faire une petite playlist d'une heure pour montrer à peu près toute la musique qui m'a frappée. Donc, en fait, j'ai juste choisi quelques pièces qui m'ont vraiment marquée. Bon, je vais commencer tout de suite avec une pièce de Carlo Ciceri. Carlo Ciceri, c'est un compositeur italien que malheureusement nous a quitté la semaine dernière, seulement à 41 ans. Et en fait, depuis beaucoup d'années, il habitait ici en Suisse, à Lugano. Et je me rappelle en fait que quand je l'avais rencontré la première fois, je pense que c'était en 2007, il m'avait montré une pièce, il avait partagé avec moi une pièce pour alto qui était absolument superbe. Et je pense en fait que cette pièce-là m'avait vraiment marqué et j'avais changé mon écriture sur les cordes parce que j'avais vu en fait qu'il y avait quelque chose qui c'était possible et que je ne connaissais pas. Maintenant, je n'ai pas trouvé cette pièce-là, malheureusement, mais quand même, j'ai trouvé une petite pièce de Carlo qui s'appelle Cruda pour Electric Trio à cordes et électronique. Et je vais la jouer. Ça dure juste 6 minutes. Et voilà, ça c'était Cruda par Carlo Ciceri. Je voulais juste donner voilà, un petit hommage à cette compositeur qui nous a quittés un peu trop tôt. Alors, le deuxième extrait, enfin pas extrait en fait, que je vais partager avec vous, je vais dire quelques mots en fait sur à peu près toutes les pièces que je vais passer. Alors en fait, j'avoue que normalement, avec la littérature, donc les livres que j'ai lis, normalement j'aime bien avoir des challenges et donc en fait lire de la littérature expérimentale, etc. Il y a plein de livres qui m'ont marqué. Par contre, en fait, pour la télé, j'avoue que même si je suis très attachée à quelques-uns des videomakers, surtout en fait pour la musique pop, et je les adore, comme Chris Cunningham. Par exemple, en fait, j'étais obsédée par Chris Cunningham pendant longtemps. Mais par contre, la télé, pour moi, ou les films, etc., c'est vraiment pour passer le temps. Et donc, je vois beaucoup de choses pourries. Et j'en suis très orgueilleuse. Et donc, je me rappelle, en fait, en 2011, c'est pendant que j'écrivais une pièce qui s'appelle « Aphone ». J'ai vu une chose comme cette fois une série qui s'appelle Battlestar Galactica. Non pas celle des années 70, mais le remake en fait, qui a été fait en 2004-2009 par Ronald Moore. Et j'avais dans la tête pendant cette année la soundtrack de cette série. Et je vais juste passer en fait 45 secondes le prologue de cette série et je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait, cette série, moi je l'adorais, je me rappelle. Mais vu que cette année, en 2011, j'ai passé vraiment énormément de temps à voir cette série, j'ai fait jamais de citations dans mes pièces, mais par contre, ce rythme-là, tan, tan, tan, tan, tan, tan, je l'ai utilisé totalement dans une pièce à moi qui s'appelle « Aphone » que j'étais en train d'écrire là. Enfin, je ne vais pas passer ma pièce parce que Denis m'a dit qu'en fait, on ne doit pas jouer notre pièce. Mais c'était important pour moi de montrer cette ça, je suis vraiment attachée à cette pièce-là parce qu'en fait, ça a donné... Tout a commencé par cette pièce-là. C'est-à-dire que je pense en fait que j'ai commencé ma carrière avec cette pièce-là. Et donc, tout le temps, en fait, je me rappelle de ce rythme. Tan, tan, tan. Et je l'ai utilisé dans plusieurs pièces, exactement, parce que c'est tellement... Enfin, c'est dans mon cœur un tout petit peu. Et donc, voilà. OK. Donc, maintenant, on redevient sérieux. Et je vais passer plusieurs pièces qui ont eu une importance particulière dans mon parcours. Le premier que je vais passer, en fait, c'est Fury et pour double basse, pour contrebasse de Rebecca Sanders. Pourquoi ? C'est une pièce qui a été écrite avec juste une chose en fait, c'est les cordes à vide de la contrebasse. Et donc toute la pièce est complètement basée sur les cordes à vide qui sont désaccordées juste un tout petit peu, mais quand même, et avec la résonance que ça peut donner cet instrument. Et pour moi, c'était très très très intéressant quand j'ai vu cette pièce-là, parce que parfois on a... l'envie, même un peu la pression à utiliser plein de modes de jeu, plein d'objets, plein de sons. Et par contre, Rebecca a écrit toute une pièce sur des cordes à vide. Et voilà, donc pour moi, c'était vraiment... ça m'a marqué beaucoup. Donc, je vais passer cette pièce-là, jouée par Florentin Junot. Fury de Rebecca Sanders. Et c'est une courte pièce, ça dure 7 minutes. il y avait quelques notes en plus, enfin, sont pas seulement les cordes à vide, mais la plupart de la pièce c'est que des cordes à vide, ce que je trouve assez incroyable. Une autre pièce que je vais partager avec vous, c'est Anna par Pierluigi Billone. Ça, c'est un peu un monstre de pièce, c'est-à-dire que aussi cette pièce-là, j'avoue que c'est très très grave, ok, très très lourde, non pas parce que c'est pas belle, mais quand même la matière sonore, c'est vraiment très très grande. Et Pierluigi, c'est un compositeur qui m'a énormément marqué. Et surtout, il y a plusieurs choses qu'il m'a dit qui c'était très très très intéressant. Et une fois, la première fois en fait que je l'ai rencontré, il m'a dit une phrase intéressante, j'avoue. À un moment donné, il m'a dit, bah Clara, pourquoi tu composes? Et je me rappelle plus ce que je lui ai répondu. Et il m'a dit, alors il y a plein de belles musiques, donc tu ne dois pas te sentir obligée à en ajouter des autres. Et je l'ai trouvé assez intéressant, j'avoue. Parce que d'un côté, il avait absolument raison. Mais j'avoue en fait qu'il y a plusieurs pièces à Louis que je continue à écouter, qui il continue à m'inspirer. Il continue à m'inspirer depuis que je l'ai rencontré, que c'était en 2005 ou 2006. Et donc, j'ai continué à écouter. Et entre ces pièces, cette-là, c'est vraiment celle qui, sans aucun doute, m'a marqué le plus. Et donc, je vais jouer celle-là, qui s'appelle Anna, qui ça a été composée en 1992 et ça a été joué par le Klang Forum. Et ça dure 12 minutes. Thank you. Voilà. Maintenant, la dernière pièce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est très différente de celle-là. Et en fait, c'est composé par Elian Radig. Elian Radig, c'est peut-être en fait... En fait, c'est ce que j'ai fait maintenant, jusqu'à maintenant. C'est un peu un parcours dans toutes mes étapes, autant que compositrice, c'est-à-dire qui m'a marqué pendant ces années. Et j'avoue qu'Elian Radig, c'est quelqu'un qui m'a marqué énormément, surtout dans les dernières années. C'est-à-dire, c'est une compositrice que cette année, elle fait 90 ans. Elle a composé de la musique électronique pendant à peu près toute sa vie. Et puis, dans les dernières années, dans les dernières, je pense, 10 années, elle a commencé à travailler avec des musiciens en live. Et ce qui m'a frappé, c'est que, comme j'ai dit aussi à la radio avant, c'est pendant l'entretien, et il a vécu cependant qu'il y avait des esthétiques musicales extrêmement complexes, voilà, la musique complexe, etc. Donc il y avait un virtuosisme absolument incroyable, beaucoup de notes, beaucoup de choses qui s'est passées. Et par contre, elle s'est concentrée vraiment à l'intérieur du son. Et elle est l'une des compositrices, les plus virtuosistes, mais à l'intérieur du son. Et donc, en fait, il crée un espace, c'est-à-dire qu'il y a cette son extrêmement longue qui bouge. Mais nous, on doit changer un peu la façon d'écouter, on doit donner espace à la musique pour que la temporalité se transforme en fait en spatialité. C'est de l'espace vraiment musical qu'il crée. Et en plus, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il n'y a pas de partition. Donc, il y a une communication orale avec les musiciens. Et donc, vraiment, une collaboration presque, qui, surtout aujourd'hui, c'est assez étonnante. Et donc, je vous propose aujourd'hui d'écouter un extrait de Occam Delta, qui c'est en fait une série des pièces. Et ça, c'est le numéro 2. Pour flûte et pour clarinette, basse, alto et harpe. Et je vais vous proposer juste un extrait parce que c'est un peu. Il fait 25 minutes. Donc je vais vous proposer, voilà, à peu près 17 minutes. Une seconde. Et voilà. Donc cela, c'était Carol Robinson, Julia Eckhart et Rodri Davis, et qui ont joué Okan Deltam, tout, par Elian Radic. Merci beaucoup. Merci Clara. Archi, on a bien écouté les 17 minutes là. Oui, archi bien. Archi beau. Oui, c'est ça. Parce que... Archi radio. Archi doux. Archi cool. La radio du festival Archipel. Archi chouette. En direct. De 10h à midi. Archi nul. Sur Archipel. Archi fort. Archi gros. .org.